chapitre 16. Je vais lire à partir du verset 32 au verset 33. Voici, l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. En effet, lorsque nous lisons les Actes des Apôtres que nous sommes en train d'étudier, nous voyons comment l'évangile qui a commencé à être annoncé à partir de Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, donc Samarie, et puis en allant aussi à Rome, Césarée, Rome, nous voyons que cet évangile s'accompagne de la persécution. Les apôtres sont persécutés. À cause de la persécution, ils sont, les disciples qui avaient cru, sont obligés de quitter Jérusalem pour aller de ville en ville, en train de fuir, mais en même temps, en train d'annoncer la bonne nouvelle. Et le texte que nous lisons ce matin, que nous venons de lire, de l'évangile selon Jean chapitre 16, s'inscrit dans un contexte où Jésus est en train d'annoncer sa mort et sa résurrection d'entre les morts. Où Jésus est en train d'annoncer, n'est-ce pas, qu'il va mourir et qu'il faut qu'il y ait un autre consolateur. Il est en train de parler du consolateur qui devait venir, le Saint-Esprit, celui qui devait enseigner aux disciples à glorifier le Père. Donc c'est dans ce contexte de la souffrance, dans un contexte où le Seigneur attend sa mort, qu'il est en train de discuter, qu'il est en train de parler à ses disciples, en train de les encourager pour leur dire des choses qui devaient venir, des choses qui n'étaient pas encore là. Mais il leur annonce, avant que les choses n'arrivent, avant que les jours mauvais n'arrivent, les disciples, donc Jésus, annonce aux disciples ce qui devait venir, ce qui les attendait. Donc, des souffrances. Des souffrances qui sont attachées au nom de Jésus. Des souffrances qui sont attachées à la vie de celui qui veut suivre Jésus. C'est donc dans ce contexte que Jésus parle, annonce aux disciples en leur disant « Attention, le temps mauvais viendra. Attention, il y aura des difficultés qui vous attendent. Mais avant que ces choses n'arrivent, je vous le préviens. » Parce qu'elles viendront certainement. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous lisez au verset 32, vous voyez, Jésus affirme que l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté. Donc cela confirme la thèse selon laquelle Jésus parle aux disciples avant sa mort, parce qu'il s'attendait à ce qu'il soit arrêté, et que les disciples allaient fuir chacun de son côté. Et même Pierre, vous savez, qui l'a suivi, ou ceux qui l'ont suivi, ne pouvaient pas attester qu'ils étaient disciples de Jésus. Donc, Jésus nous montre que les choses difficiles allaient arriver, et affirme en effet qu'elles sont déjà là, que le temps est déjà là, le temps où les disciples devaient souffrir aussi. Les disciples devaient être dispersés. Et vous savez qu'au champ, n'est-ce pas, de Gethsemane, n'est-ce pas, Jésus est resté seul. Tous avaient fui. Même Pierre qui disait que même si tout le monde pouvait fuir, moi je ne fuirais pas. Mais à ce moment-là, à leur venue, où ils étaient, où les gens sont venus arrêter, n'est-ce pas Jésus, tous avaient fui. Et donc le texte nous montre, Jésus parle donc de ces événements. Quand nous regardons, on voit que Jésus affirme que vous me laisserez seul. Et en réalité, il était resté seul. Même l'effort, n'est-ce pas, que Pierre avait essayé de faire en coupant l'oreille d'un des serviteurs appelé Marcus. Marcus, donc, n'a rien produit. Après tout, Jésus était seul. Et Jésus était le seul à transporter la croix. Et Jésus était le seul à subir les souffrances. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous lisez dans Jean, chapitre 15, versets 18 à 27, il avait déjà dit aux disciples que vous allez souffrir. Que si moi, je souffre, le disciple bien accompli n'est pas plus que son maître. Donc le disciple doit suivre le chemin que le maître a suivi. C'est ce que Jésus donc affirme ici. Alors dans le texte, vous voyez déjà que Jésus dit qu'il n'est pas seul. Il est avec le Père. Même si tout le monde le laissait seul, Jésus avait l'assurance que le Père était avec lui. Que le Père ne pouvait pas le quitter. Que le Père qui avait affirmé lors de son baptême, n'est-ce pas, dans le Jourdain, en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance, écoutez-le », ne pouvait pas le laisser, ne pouvait pas l'abandonner. C'est la raison pour laquelle Jésus aussi instruit ses disciples pour leur dire qu'en effet, le temps est venu où vous allez commencer maintenant à connaître de la souffrance, où vous allez souffrir. Mais le texte, le verset 32, donc montre que la souffrance n'est pas une fin en soi. Même s'il y a de souffrance, si vous devez souffrir, Pierre dira, il ne faut pas souffrir comme des malfaiteurs. Mais si vous souffrez à cause de mon nom, à cause du nom de Jésus, donc vous êtes heureux. En ce jour-là, soyez dans l'allégresse. Tressaillez de joie, réjouissez-vous, parce que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la voie que moi, n'est-ce pas, Jésus, votre maître, j'ai suivi. Et au verset 13, il dit, ce qui est important aujourd'hui, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais ne baissez pas les bras, prenez courage. J'ai vaincu le monde. C'est donc là les paroles du Maître, de notre Seigneur, le Seigneur vivant. Il n'est pas encore crucifié. Mais avant cela, il dit d'avance, ce sont des paroles donc prophétiques, qu'il dit d'avance, avant sa mort, pour encourager le disciple, pour leur dire, vous aurez des tribulations, vous aurez des souffrances, vous aurez des moqueries, on se moquera de vous, on vous frappera, on vous mettra même à mort, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc les paroles de Jésus que nous lisons ce matin ne sont pas des paroles où il flatte des disciples, ne sont pas des paroles où il dit aux disciples, non, attention, vous aurez seulement la vie abondante. Ce ne sont pas des paroles, ce n'est pas une promesse où il dit aux disciples, écoutez, tout sera, n'est-ce pas, va rouler comme sur des roulettes. Non, ce sont des paroles qui sont dures. Mais c'est aussi ici, dans ce texte, nous sommes en présence aussi d'une promesse. Une promesse, mes frères, mes soeurs, de souffrance. Une promesse où Jésus montre aux disciples, vous m'avez choisi, vous avez cru en moi, mais le chemin par lequel vous allez passer, ce n'est pas toujours le chemin de joie, ce n'est pas toujours le chemin de rire, ce n'est pas toujours le chemin où vous allez dormir sur vos oreillers, mais c'est plutôt le chemin de la souffrance. Parce que moi, votre maître, je vais bientôt mourir. Je vais mourir, je serai, n'est-ce pas, cloué à la croix. Mais sachez que le Père ne m'abandonne pas. Sachez que le Père est avec moi. Mais si vous, vous êtes mes disciples, vous allez aussi connaître des souffrances. Mes frères et mes sœurs, n'est-ce pas ce matin une parole dure à avaler au moment où partout nous chantons toujours, n'est-ce pas, la vie abondante. Au moment où partout les disciples aujourd'hui, nous pensons que la vie chrétienne, c'est seulement une vie de bonheur, une vie, n'est-ce pas, de richesse, une vie seulement où nous roulons, je ne sais pas, de n'importe quelle manière. Mais Jésus nous dit, attention. Vous aurez des tribulations dans le monde. En effet, là où ça devient la joie, c'est de savoir que Jésus, même s'il dit que vous aurez des tribulations, vous allez souffrir à cause de mon nom, mais il ne laisse pas les disciples, il ne laisse pas les désespoirs, il ne laisse pas aux disciples les paroles de désespoir. Il y a la parole, n'est-ce pas, qui rassure. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et c'est là que la parole devient une bonne parole, devient la bonne nouvelle, parce que nous pouvons être sûrs que Jésus a vaincu le monde. Que même au travers de la souffrance, même au travers des tribulations, nous pouvons être convaincus que nous ne sommes pas seuls. Comme Jésus a dit qu'il n'était pas seul, qu'il était avec le Père, nous pouvons aussi aujourd'hui être sûrs que nous ne sommes pas seuls. Parce que Jésus nous dit, j'ai vaincu le monde. C'est alors à ce moment que la parole que nous lisons devient une bonne nouvelle. Parce que même au travers de la souffrance, nous pouvons encore voir. Nous pouvons encore tourner nos regards vers Jésus. Parce qu'il a vaincu la mort à la croix. Nous savons et nous pouvons dire, même avec l'apôtre Paul, que ni la mort, ni la souffrance, ni la nudité, ni les souffrances du temps présent ne peuvent rien contre nous. Parce que Jésus est avec nous. Parce que Jésus est vivant. Parce que Jésus nous a promis d'être avec nous. Donc nous pouvons lui dire merci Seigneur pour la souffrance par laquelle je passe. Je ne connais pas quelle est votre tribulation en ce moment. Je ne connais pas quelle est votre, n'est-ce pas, souffrance en ce moment. Je ne connais pas qu'est-ce que vous êtes en train d'endurer en ce jour. Je ne connais pas aussi qu'est-ce qui vous fait mal en ce moment. Mais je connais une chose. Jésus a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc Jésus a le pouvoir. C'est lui qui est le triomphateur. C'est lui qui a été crucifié, qui est ressuscité d'entre les morts, que Dieu a ressuscité d'entre les morts par la puissance du Saint-Esprit. C'est lui qui peut encore aujourd'hui vous dire, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je ne connais pas quels sont vos projets. Je ne connais pas qu'est-ce que vous serez demain. Je ne connais pas aussi ce que vous allez connaître après-demain, ni l'année prochaine non plus. Mais il y a quelqu'un qui vous dit, prenez courage. Ce n'est pas la fin du monde. Je suis avec vous. J'ai vaincu, moi, le monde. Et rien ne pourra arrêter mon action dans votre vie. Donc c'est Jésus qui peut intervenir dans votre vie. C'est Jésus qui peut venir encore une fois vous dire, j'ai vaincu le monde. Et vous pouvez aussi dire avec lui, j'ai vaincu le monde parce que tu es avec moi, parce que tu es vivant, parce que tu es le Dieu de Dieu. Mais mes frères, si nous regardons les raisons pour lesquelles Jésus avertit ses disciples, pourquoi ils doivent connaître les souffrances, il montre d'abord, c'est parce que le monde est Jésus. Donc les disciples ne peuvent pas passer outre. Les disciples doivent souffrir comme leur maître a souffert. Mais au travers de la souffrance, le maître a le pouvoir de soutenir le disciple. Le maître a le pouvoir de venir en aide au disciple. Et si le disciple souffre, C'est parce que le monde ne connaît pas Jésus. Le monde ne l'a pas reconnu. Quand nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 11 et suivant, la parole de Dieu dit ceci. Il est venu chez le sien et les siens ne l'ont point reçu. Donc les siens ne l'ont pas connu. Les siens ne l'ont pas accepté. Mais à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Alléluia. Parce que à ce moment-là, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Et les souffrances du temps présent ne peuvent rien contre, n'est-ce pas, la gloire à venir. Et même si nous souffrons à ce moment, Jésus n'est pas indifférent à votre souffrance, à votre vie. Jésus n'est pas indifférent aussi lorsque vous êtes dans la joie. Il se réjouit aussi de vous voir joyeux. Donc votre situation n'échappe pas au contrôle de Dieu. Dieu agit, Dieu intervient, Dieu vous vient au secours. Et donc, la parole de Dieu nous rassure. Prenez courage. Il y a des situations pour lesquelles nous pouvons nous décourager. Il y a plusieurs situations. Peut-être c'est le manque d'emploi. Nous pouvons nous décourager. Peut-être parce que je suis chrétien, on m'appelle déjà pasteur, alors que je ne suis pas pasteur. Mais on m'appelle pasteur pour se moquer de moi. Peut-être, ce qui peut vous décourager, vous dites, c'est déjà fini. J'ai 25 ans. J'ai 30 ans. Je ne suis pas encore marié. Qu'est-ce que je vais devenir? Ça peut être une situation dans laquelle, en tant que disciple de Jésus, vous pouvez souffrir. Mais Jésus vous dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Vous pouvez avoir de différentes situations que vous traversez. Peut-être un échec. Peut-être une maladie. Mais Jésus ne dit pas, baissez le bras. Jésus vous dit, prends courage, mon enfant. Prends courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Donc, c'est une invitation ce matin à ne pas baisser nos bras. Mais une invitation à nous agenouiller, à prier, à tourner vers nos regards, vers celui qui a vaincu le monde. Celui qui a vaincu Satan. Nous tourner à celui qui a vaincu les maladies. Nous tourner à celui qui a vaincu toutes sortes de péchés. Parce qu'on peut souffrir aussi en tant que chrétien d'un péché caché. Mais Jésus nous vient au secours. Il dit, prenez courage. Prendre courage, c'est aussi faire confiance en lui, faire confiance et tourner votre regard vers lui. Et confesser aussi parfois ses péchés. Et venir à lui. Prendre courage. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Mais lorsque nous regardons aussi dans ce texte, nous pouvons voir que Jésus affirme, n'est-ce pas, que le monde et le chrétien, parce que le chrétien ont été choisis. Donc parce que le disciple et a quitté, n'est-ce pas, le monde du péché pour le monde de Jésus. Ou si vous voulez, le disciple a quitté le monde des ténèbres, le monde qui était sous la puissance de l'ennemi, de Satan, et il a accepté Jésus. Donc il a fait, maintenant, il s'oppose aux œuvres des ténèbres. Et cela peut faire que le monde vous haïsse. Mais nous ne devons pas nous arrêter à cause de toutes ces choses-là. Parce que Jésus nous invite à lui faire confiance ce matin. Ce matin, mes frères et mes sœurs, lorsque nous regardons dans cette parole, nous pouvons voir que si les disciples souffrent à cause du nom de Christ, les disciples doivent être fiers. Parce qu'il porte le nom glorieux du Seigneur. n'est-ce pas, les noms qui nous caractérisent. Lorsque à Antioche, pour la première fois, les gens ont appelé ceux qui suivaient Jésus, le chrétien. C'était pour dire qu'ils avaient vu que ce gens qui suivait Jésus, qui était à Antioche, agissait comme leur maître, obéissait à Dieu, craignait Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il leur a valu les noms de chrétiens. Mais aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, nous qui nous appelons chrétiens, est-ce que nous faisons honneur à notre Dieu? Est-ce que nous faisons honneur à notre maître? Est-ce que notre maître, ce matin, Jésus-Christ, peut-il être fier de vous? Peut-il être fier de moi lorsqu'il nous regarde? Peut-il dire, j'ai enlevé la neuve autant de disciples? Peut-il dire, j'ai dans cette partie de Brabant Wallon autant de disciples qui m'obéissent, autant de disciples qui me suivent, autant de disciples qui font ma volonté? Où est-ce que vous en êtes? Mais ce matin, Jésus dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et nous voyons que si Jésus a donné sa vie, si Jésus s'est donné, et si nous sommes ses disciples, Jésus fait tout pour que nous ayons la paix, pour que nous vivions en paix. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Les disciples de Jésus-Christ, ce matin, vous ne pouvez pas avoir la paix en suivant quelqu'un d'autre. Ce n'est pas en suivant Bouddha qu'on peut avoir la paix. Ce n'est pas en suivant, je ne sais pas, les lois de karma, comme on dit, qu'on peut avoir la paix. Ce n'est pas en suivant Vishnu que vous aurez la paix. Ce n'est pas en suivant, je ne sais pas, Ekankar que vous aurez la paix. Ce n'est pas en suivant les New Age que vous aurez la paix. Mais on a la paix en Jésus-Christ. On a la paix en venant à Jésus. Et la paix vient de Dieu. Parce que c'est un don de Dieu. Et Dieu veut que tous ses disciples puissent tourner leur regard vers lui. Afin de nous réjouir avec lui. Afin de vivre avec lui. Afin de dire, en fin de compte, j'ai vaincu le monde. Donc tout disciple affermi devra tourner ses regards vers Jésus et connaître donc la paix en Jésus, pas en quelqu'un d'autre. Mes frères, si nous regardons, je commençais par vous dire que les actes des apôtres ne montrent que des disciples, ceux qui avaient obéi, partaient de ville en ville en annonçant la bonne nouvelle. Mais ils ne partaient pas dans ces villes-là tranquillement. Parce qu'ils étaient persécutés, ils étaient en train d'aller de part et d'autre, mais ils avaient la paix avec Dieu, et c'est la raison pour laquelle ils pouvaient témoigner Jésus-Christ. Paul, le persécuteur, nous l'avons vu, où nous sommes en train de voir dans les actes des apôtres, quand il a changé de camp, il était persécuté. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à dire que Jésus est le Christ. Parce qu'il a commencé à prêcher que Jésus est le Fils de Dieu. Et le monde, ceux qui étaient avec lui au départ, ils ont dit, mais comment? Ce monsieur, il a changé de camp. Il est maintenant dans le camp des opposants. Il est en train de parler du nom interdit. Il est en train de parler de cet homme qui a été crucifié. Et voilà qu'il affirme que Jésus est le Messie. Cela lui a attiré, n'est-ce pas, des souffrances. Et on a cherché à ôter même sa vie. Mais là encore, nous voyons que c'est Dieu qui a préparé des hommes et des femmes, des chrétiens, pour les faire fuir de Damas pour une autre ville, pour Jérusalem. Et là aussi, quand on cherche à les tuer, n'est-ce pas, Dieu prépare des moyens pour le faire, pour les faire sortir de ces difficultés. Si vous regardez aussi Jacques, qui était, n'est-ce pas, le chef ou bien l'apôtre, le pilier de l'église à Jérusalem, il a été tué. Mais la parole n'est pas liée. Les autres disciples ont continué. Vous connaissez Étienne, il a été aussi lapidé. Mais il avait la paix avec Dieu. Il avait la paix en Jésus. Et il pouvait attester, il pouvait dire, n'est-ce pas, il pouvait demander le pardon pour ses bourreaux. Parce qu'il avait la paix avec Dieu. Et il avait vu, n'est-ce pas, le ciel ouvert pour lui. Alors ce matin, mes frères et mes sœurs, qu'est-ce qui peut vous arrêter? Ou qu'est-ce qui veut vous arrêter dans votre marche ce matin? Serait-ce les problèmes de la vie? Jésus dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Est-ce que vous voulez bien prier maintenant? Priez chacun pour les problèmes que vous avez, pour ce qui vous fait mal, pour parler au Seigneur, pour lui dire peut-être, je suis dans la joie, Seigneur, de ce que tu m'as délivré de tel ou tel problème. Je suis dans la joie, Seigneur, de savoir que tu es avec moi tous les jours. Je suis dans la joie, ô Seigneur, parce que je ne suis pas seul. Tu es avec moi. Seigneur, donne-moi le courage qui vient de toi. Seigneur, aide-moi à marcher avec toi. Seigneur, viens à mon secours pour ta seule gloire. Prions le Seigneur maintenant. Et notre Père, notre Dieu, et notre Père, pour ton amour et pour ta fidélité, merci, parce que c'est toi qui es notre bouclier, c'est toi qui es notre forteresse, c'est toi qui es notre abri sûr. C'est en toi, Seigneur, que nous avons la vie. Et merci, parce que tu nous avertis aussi que nous aurons des tribulations dans le monde, mais toi, tu es avec nous. Merci parce que tu nous incites à prendre courage, à continuer à regarder à toi. Seigneur, je te prie encore ce matin pour que tu touches mon frère, ma sœur, que tu lui viennes au secours pour ta seule gloire. Et merci Seigneur d'aider aussi chacun de nous à pouvoir être le vrai disciple, le disciple de Jésus-Christ. Donne-nous ton esprit pour que nous puissions te témoigner avec confiance, avec assurance, mais pour que nous puissions aussi clamer haut et fort que tu es le Fils de Dieu, que tu es le Messie, que tu es notre Seigneur. Oui, Jésus, tu as dit que tu viens en aide à tes frères. Ce ne sont pas aux anges que tu viens en aide, mais plutôt tu viens en aide à nous, les hommes. C'est pourquoi nous te rendons gloire, honneur et louange, parce que ta parole est la vérité. Amen. Nous passons...